Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Disparu en 2009, Edouard Luntz est aujourd'hui un cinéaste un peu oublié. Évoquant certains films de Truffaut, de Piala ou Eustache, son œuvre est travaillée par les questions de l'enfance, de l'adolescence, de la délinquance dans la banlieue des années 60. Après avoir été l'assistant de Jean Grémillon, Nicolas Rey et Pierre Prévert, il se lança au premier temps de la Nouvelle Vague dans la réalisation de courts-métrages remarqués, en particulier « Enfants des courants d'air », tourné dans un bidonville de la Plaine-Saint-Denis et récompensé du prix Jean Vigo. Mais c'est surtout son long métrage de 1966, « Les cœurs verts », qui domine sa filmographie. Une fiction tournée avec une bande de blousons noirs à Nanterre et Gennevilliers. C'est à l'occasion de sa sortie qu'Edouard Luntz était l'invité de Connaître le cinéma pour un entretien suivi d'un débat avec un public qui réagissait à la projection du film. France Culture vous présente « Connaître le cinéma ». Une émission publique de Philippe Hainaut, diffusée du Ciné-Club de Pontarlier. En avant-première, « Les cœurs verts » d'Edouard Luntz. Et en première partie, un dessin animé tchèque, « Comment avoir un enfant sage ». Commentaires et débats, avec la participation de Madame Grandadan, de Messieurs Bichet, Blondeau, Jeannot, Mallet, Philippe Audiquet, Marcel Martin et des spectateurs. Nous sommes venus enregistrer notre dernière émission publique de la saison à Pontarlier, dans la salle de l'Olympia, remplie par un public surtout jeune, d'adhérents du ciné-club de cette ville qui est réputée très actif. Toute l'année, nous avons mis l'accent sur les tendances nouvelles du cinéma mondial en insistant sur la présentation de cinéastes encore peu connus et d'œuvres inédites. C'est encore le cas ce soir. Nous avions hésité à consacrer cette dernière émission au cas de Claude Lelouch, qui vient de remporter un grand prix à Cannes pour un homme et une femme. Mais nous n'avons pas l'habitude de voler au secours de la victoire, et il nous a paru beaucoup plus intéressant d'attirer l'attention du public sur un jeune cinéaste, encore inconnu pratiquement, et qui a réalisé dans des conditions difficiles et on peut dire méritoires, une œuvre qui, je crois, suscitera votre intérêt, surtout à vous, jeunes, bien entendu, puisqu'elle traite des problèmes de la jeunesse actuelle avec, je crois, beaucoup de vérité, de franchise et de loyauté. Je vais passer tout de suite la parole à Edouard Luntz, qui a bien voulu répondre à nos questions et nous donner quelques précisions sur sa carrière et sur son film. Edouard Luntz, vous avez 34 ans et vous êtes parisien. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes venu au cinéma? Je crois que vous avez débuté dans le cinéma très jeune. Oui, tout de suite après les études secondaires. Je ne pouvais pas faire d'école, parce qu'il fallait que je travaille. Je n'avais pas les moyens de continuer à faire des études. Et depuis toujours, je voulais faire du cinéma. Donc j'ai commencé à essayer de rentrer dans une maison de production comme n'importe quoi. Enfin, et j'ai commencé par être n'importe quoi. Puis... À 19 ans? Oui. Et vous vous êtes mis à réaliser des courts-métrages un peu plus tard? Oui, j'ai d'abord travaillé plusieurs années comme assistant. J'ai eu la chance d'être pris comme stagiaire, puis comme second, puis comme premier. Et puis, il y a très longtemps que j'avais envie de faire des courts-métrages, bien sûr, enfin des films. Et puis, j'ai eu l'occasion de le faire, mais quand même, j'ai fait le premier à 25 ans. Et vous avez réalisé une dizaine de courts-métrages. Je crois que les titres les plus connus, c'est « Volcan endormi »,« Le silence », »,« Enfant des courants d'air » qui vous a valu le prix Vigo en 1960, et « Bon pour le service » qui, je crois... Et rester interdit par la censure. Oui, toujours interdit par la censure. Oui, pour quel motif? C'est un film sur le service militaire, le conseil de révision, et j'interview des jeunes qui passent leur conseil de révision avant de partir au service militaire, et ça a été fait avant... Oui, ça n'a pas été réalisé pendant la guerre d'Algérie. Non, ça a été réalisé tout de suite à la fin, enfin presque à la fin. Oui. Et je pense que c'est peut-être une des raisons. On n'a jamais essayé de le représenter. Peut-être qu'en le représentant maintenant à la censure, il passerait peut-être, mais je ne voudrais pas échanger quoi que ce soit. Et la véritable raison, c'est que la plupart des garçons qui on demande s'ils ont envie de faire leur service militaire disent que non. Ils disent qu'ils préfèrent faire autre chose. Ils ne voient pas très bien l'intérêt de le faire. En tout cas, on ne leur a jamais présenté la chose d'une manière qui les intéressait. Oui, j'ai l'impression tout de même que c'est « Enfants des courants d'air » et « Bon pour le service » qui sont vos deux courts-métrages les plus chers. « Enfants des courants d'air », oui, parce que... Il faut peut-être rappeler le sujet, d'ailleurs, d'« Enfants des courants d'air ».« Enfants des courants d'air », c'est un film sur l'enfance et sur la solitude, mais dans des décors très précis, dans les bidonvilles de la banlieue parisienne, et montrant d'une manière très précise également les conditions de vie dans les bidonvilles. Et montrant également qu'il y a c'est une solitude de deuxième degré. Il y a la solitude des enfants, mais aussi la solitude des gens en général et des parents également. C'est la solitude d'un groupe humain isolé à deux pas de la grande ville, quoi. Oui. Bon, pour le service, c'est un film qui m'est très cher dans la mesure où il est interdit d'abord. Vous savez, quand on m'interdit quelque chose, j'y tiens beaucoup. Et puis, je m'accroche et je me bagarre. Venons-en au cœur vert. J'ai l'impression qu'au départ, vous avez voulu à nouveau vous intéresser aux adolescents. Mais comment avez-vous fait ? Quelle est l'origine de votre sujet ? Ça vient justement un peu de Bon pour le service. Je suis toujours en réaction contre le côté 20 ans, le plus bel âge de la vie. Je crois qu'on est tous d'accord. C'est un âge très difficile. En plus, au moment où on a 20 ans et on voudrait vivre, ou on voudrait aimer, ou on voudrait avoir des filles, ou on voudrait avoir une fille, ou on voudrait être heureux, il y a une coupure dans la vie qui fait que pendant 18 mois, il y a une parenthèse. On a perdu des années très précieuses parce qu'on est plein d'enthousiasme et plein de possibilités, justement. Et en faisant Bon pour le service, j'ai rencontré, parmi les garçons que j'ai interviewés, deux garçons qui sortaient de prison. Et ça m'intéressait bigrement. Je savais bien qu'on les met un peu vite en prison, vous comprenez. Je crois qu'il y a un conflit très grave, et qui va d'ailleurs en s'accentuant. D'abord, ça va en s'accentuant parce que la poussée démographique est encore beaucoup plus forte actuellement. Il y a beaucoup plus de jeunes. Et j'ai l'impression que les gens acceptent difficilement les jeunes qui les poussent. Oui. Les gens acceptent mal de vieillir. Ils acceptent mal d'arriver à un certain âge sans avoir eu tout ce qu'ils auraient voulu avoir. Et au lieu d'accepter une fois pour toutes de se regarder en face et de prendre leur propre responsabilité, de penser qu'ils en sont peut-être responsables de cet échec, eh bien, ils en veulent simplement aux jeunes qui, peut-être d'une certaine manière, ont quelque chose qu'ils auraient voulu avoir et qu'ils n'ont jamais pu avoir. En particulier, une certaine liberté, peut-être acquise d'ailleurs assez durement, assez chèrement. Enfin, je sais pas, il y a une chose absurde, vous comprenez, par exemple, les cheveux longs. Oui. Il semble qu'on reproche terriblement aux jeunes d'avoir les cheveux longs. Mais c'est idiot parce que pendant des générations et des générations, tous nos grands-parents ont eu les cheveux longs. On n'a jamais douté de leur virilité. Alors je crois que, comprenez, le film, c'est un film sur l'adolescence. Avant tout. C'est un film sur les blousons noirs, vous allez dire. Non, je pense qu'avant tout, c'est un film sur l'adolescence. Pour moi, les blousons noirs, c'est un épiphénomène, mais qui est un archétype, peut-être, d'une certaine manière, de la révolte qu'est l'adolescence en principe et a priori. L'adolescence, c'est une révolte. Pour devenir un homme, il faut se révolter. Il faut se révolter contre son père, il faut se révolter contre sa famille, il faut s'affirmer pour lutter contre le doute et la difficulté, l'inquiétude et l'angoisse qu'on a tous à l'idée de devenir un homme et d'avoir ses responsabilités. Oui, se chercher, se trouver par rapport au contexte. Exactement. Et pour moi, je crois par conséquent que le film est avant tout un film sur l'adolescence, mais à travers cette adolescence, il y a d'autres problèmes qui sont les plus graves, parce que qui vont s'accentuer ensuite, dans les années qui vont venir. Il y en a deux qui sont toujours pour moi absolument inséparables. Le problème psychologique, quand nous avons tous des problèmes, nous avons tous des données d'enfance et d'éducation et d'adolescence qui font que justement on va aller dans une direction ou dans une autre. Et puis le problème social, qui est absolument inséparable du problème psychologique. Alors, les blousons noirs, pour moi, si vous voulez, représentent quelque chose de très intéressant, parce que, et c'est, quand j'ai rencontré ces deux garçons, j'ai touché le problème de très près, c'est que ils viennent tous de familles très simples. Ce sont des fils d'ouvriers ou de petits employés. C'est situé dans le milieu des HLM. Oui. Et même moins que des HLM de temps en temps aussi. Oui. Et dans la banlieue parisienne. Et ce sont des gens donc qui travaillent pour gagner leur vie. Le père et la mère travaillent généralement parce que c'est pas suffisant. Donc, ils se retrouvent seuls. Et en plus, malheureusement, 95%, ce sont des enfants qui ont des problèmes de famille. Oui. Des problèmes de déséquilibre familial. Oui. Alors, ils s'intègrent à des bandes. Ils s'intègrent, attention, ils sont d'abord seuls. Oui. Avant de s'intégrer à une bande, ils sont seuls. Ils se retrouvent justement dans la rue. Et alors, le deuxième volet du problème, c'est qu'il y a un problème social qui joue un rôle très grand, le problème d'éducation. Bon, allez, ils vont à l'école, c'est obligatoire jusqu'au certificat d'études. Mais une fois qu'ils ont le certificat d'études, on les lâche. Oui. Mais le certificat d'études, ça ne leur donne rien. Le certificat d'études, ça ne donne pas de travail. Pour trouver du travail, on leur demande un certificat d'aptitude professionnelle, un CAP. Pour avoir un CAP, il faut rentrer dans une école professionnelle. Mais il n'y a pas assez de place dans une école professionnelle. En général, les proportions seront de 2 à 10. C'est-à-dire qu'il y a 2 places pour 10 personnes. Donc il y en a 8 qui ne rentrent pas dans une école professionnelle. Par conséquent, ils n'ont pas de travail, ils ne vont plus à l'école, les parents travaillent, ils se retrouvent seuls. Et il y a un problème de solitude très grave qui accentue déjà leur déséquilibre, venant souvent d'un problème familial. C'est très rare les couples réussis, mais il y en a qui s'équilibrent quand même plus ou moins. Et eux, généralement, c'est plus déséquilibré qu'ailleurs. sans compter le fait que souvent ce sont des enfants eux-mêmes de jeunes qui oui. ont eu des problèmes semblables, vous bien comprenez sûr, c'est sûr. Un cercle vicieux. Alors ils se retrouvent dans la rue, ils sont terriblement seuls et ils s'accrochent les uns aux autres. Et c'est là que commence ce phénomène de la bande, mais qui n'est pas un phénomène forcément négatif. On peut considérer bien d'une certaine manière un essai de reconstituer une cellule sociale. Bien sûr, d'ailleurs, il y a toujours eu des bandes chez les jeunes. Il y a toujours eu des bandes. D'ailleurs, il y a toujours eu des bandes à travers toutes les générations, oui, à travers toutes les époques. Il y a toujours eu un phénomène les qui copains. Fait que les copains, le fait d'ailleurs que, en plus, il y a le phénomène on a un peu peur des filles à cet âge-là encore. Oui. On se oui. raccroche aux copains parce qu'on sent mieux. Et puis, on se sent plus fort à plusieurs. Puis bien voilà. Sûr. Une phrase m'a frappé dans ce que vous déclariez récemment à un journaliste. C'est un film sur la révolte, sur une révolte passionnée et intégrale contre la société, mais une révolte qui est en même temps un moyen de se réfugier dans l'adolescence et de refuser les responsabilités de l'âge adulte. Oui. J'en reviens par conséquent à ces deux garçons que j'avais connus pendant mon temps de service. Et qui m'intéressait parce qu'ils sortaient de prison, parce que je disais que le problème de la prison était très grave, c'est que pour la première bêtise, première erreur, on fait tous des bêtises. On fait tous des conneries. Enfin, c'est pas, il y a aucun problème, nous avons tous fait ça, on se ment, on s'est pas fait prendre. Alors, s'ils se font prendre, au lieu d'essayer de les réintégrer, et justement de profiter peut-être de cette occasion, qui prouve que ça va mal, parce que plus ça va mal, plus on a envie de faire des bêtises, parce qu'on recherche une punition inconsciemment, vous comprenez ? Eh bien, on les met en prison et on ne leur apprend rien. Les mettre en prison, c'est justement accentuer leur déséquilibre et par conséquent accentuer leur révolte. Oui, on aide les jeunes, mais pas au point où cela donne des résultats en général. On ne peut pas parler d'un cas isolé, ou alors sincèrement, on va tomber dans la charité chrétienne. Il ne s'agit pas de sauver une âme, il s'agit d'aider une jeunesse en général, vous comprenez ? Oui. C'est une révolte qui est tout de même, disons, spontanée et plutôt sentimentale tout de même. Très sentimentale. N'est-ce pas ? Et l'amour et l'amitié, ils sont des thèmes privilégiés. Oui, parce qu'en fin de compte, je crois qu'ils sont peut-être d'une certaine manière aussi privilégiés. Je veux dire qu'ils sont peut-être plus généreux que la plupart. Vous savez, quand on se révolte, vraiment, c'est qu'on va un peu plus loin que les autres. Oui. Quand cette révolte devient plus ou moins marquée, c'est qu'on a encore plus de possibilités d'enthousiasme et de générosité qui sont justement inemployées. Et ils se révoltent. Et ils se révoltent seulement d'une manière anarchique, parce qu'ils n'ont la plupart du temps aucune lucidité, mais on ne les aide pas non plus à être très lucides. Et c'est pour ça que je dis que c'est peut-être un moyen aussi de se réfugier dans l'adolescence, parce que cette révolte est justement un refus de l'effort nécessaire pour vieillir, pour mûrir, pour accepter ses responsabilités, pour accepter de se battre pour quelque chose qui en vaut la peine. Et c'est un refus un peu négatif, anarchique, qui ne mène nulle part et qui pour moi par conséquent n'a pas de valeur. Ce qui est important néanmoins, c'est déjà la révolte, c'est déjà un pas en avant, plutôt que d'accepter tranquillement et totalement d'abdiquer toute possibilité d'enthousiasme qu'on a toujours quand on est adolescent. Sans ça on est un vieillard, un jeune vieillard. Eh bien la révolte est déjà une façon de marquer cet enthousiasme. Là où justement la société a une responsabilité très grave, où nous avons tous une responsabilité très grave, c'est qu'on ne fait rien pour employer cet enthousiasme et ces possibilités de révolte pour amener à une connaissance et à une responsabilité supérieure. Oui, j'irai au-devant des objections qu'on pourra vous présenter, c'est de dire qu'il est facile aussi d'accuser les parents, la société, et que les jeunes n'ont peut-être pas tous les droits de leur côté, qu'il y a tout de même un immense problème actuellement d'une génération qui s'insurge un peu dans tous les sens. Quand le passage à l'état adulte se fait de façon dramatique, qu'est-ce que vous proposez à la place de la répression ? L'éducation. Oui ? L'éducation, je crois que tout ça est une question de connaissance. L'éducation, je veux dire que quand on apprend aux gens à se connaître et à connaître ceux qui les entourent, les problèmes commencent à avoir des solutions. Oui ? Je propose simplement qu'on s'en occupe aussi. Oui. On ne s'en occupe pas. Ou ce sont des organismes privés qui s'en occupent alors pour des raisons très précises que je n'approuve pas toujours, en particulier dans un désir de réhabilitation. Or, je pense qu'il ne faut pas réhabiliter qui que ce soit parce qu'ils n'ont pas été réhabilités. Il s'agit simplement de les aider. De les aider simplement à devenir des hommes. Il faut donc s'en occuper, leur donner confiance en eux-mêmes et par conséquent, leur faire confiance. Montrer aussi qu'on ne s'en méfie pas a priori comme on le fait actuellement. Vous savez qu'il y a une espèce de racisme. Il suffit qu'un garçon se promène. Il y a un racisme, en particulier à l'égard de cette jeunesse-là. Oui. Il suffit qu'il se promène dans la rue avec des cheveux longs, avec un blouson noir ou blanc, ou avec un blue jean trop serré ou avec des bottes pour que les gens les regardent avec, mais presque avec haine. Je ne sais pas si c'est conscient ou pas. La plupart du temps, je pense que c'est inconscient. Mais on ne les aime pas. Et ils le ressentent. Vous avez eu beaucoup de difficultés, je crois, pour réaliser ce film. Et pendant 3 années, je crois que vous avez non seulement cherché à définir votre sujet, à le situer dans une réalité, mais aussi vous avez cherché les moyens de le réaliser. Oui, ça a été très dur. Enfin, ça a été difficile, forcément, parce que c'est un film qui, a priori, ne présente pas beaucoup de garanties commerciales. Alors, vous savez que pour faire du cinéma, en France, en 1966, on est obligé de parler avec des gens qui ne parlent pas forcément le même langage que vous. Ils parlent le langage des chiffres. Ils parlent le langage des chiffres. Moi, ce n'est pas ce langage-là que je parle, et c'est un peu un dialogue de sourds. Alors, il a fallu les convaincre que ce film risquait d'être, malgré tout, peut-être pas une remarquable entreprise commerciale, mais en tout cas, qui ne risquait pas de perdre de l'argent. Lorsqu'on parle de choses réelles et pas n'importe comment, on intéresse tout le monde. Ensuite, quand vous avez eu les moyens, vous avez tourné pendant 7 semaines dans des banlieues ouvrières, disons, et des terrains vagues du nord et de l'est de Paris, sans studio et sans acteurs professionnels. Oui, d'abord, j'ai eu la chance quand même de trouver un producteur qui a été très bien, qui est un type très bien, Raoul Plequin, avec qui je me suis très bien entendu. Producteur de Grémillon. Oui, producteur de Grémillon, entre autres, et de Bresson aussi. De Bresson. Et qui a aimé le sujet et qui l'a fait vraiment pour se faire plaisir en même temps, vous comprenez? Oui. Il y a cru, et il y a cru presque autant que moi, il n'y a pas de doute, enfin, c'est pour ça qu'il l'a fait. Puis alors, j'ai été aidé par des gens comme, par exemple, un camarade réalisateur qui est Alain Gessua. Puis j'ai été aidé par le Centre du cinéma, par la commission d'avance sur recette, qui a aimé le scénario sur lequel j'avais travaillé longtemps et qui m'a donné une avance substantielle, qui m'a permis de convaincre encore plus Plequin. Enfin, alors, comment avez-vous fait? Vous avez d'abord procédé à une enquête, vous êtes parti d'un contexte réel de gens que vous connaissez. J'ai vécu avec eux. Oui. J'ai vécu avec eux, je les ai suivis pendant des semaines et des mois. Et vous avez bâti votre scénario d'après des aventures réelles. D'après des aventures réelles. En démarquant beaucoup de choses, en rajoutant des choses que je trouvais à droite et à gauche, et en tournant, on a improvisé également dans le cadre de chaque scène beaucoup de choses, mais en même temps, il y avait une structure. J'ai l'impression qu'il y a 2 choses dans ce film. D'une part, il donne une impression, je pense, j'espère en tout cas, de justesse, de vérité, de réalité, d'improvisation, de spontanéité. Et en même temps, je crois qu'il est construit d'une manière très rigoureuse, malgré une liberté assez grande. Pour moi, je ne sais pas à quoi il ressemble, parce que je n'ai pas l'impression qu'il ressemble à quelque chose. Bon, et pourtant, on a tourné énormément de films sur la jeunesse ces dernières années. Et je pensais tout à l'heure, lorsque vous me parliez de Bon pour le service, je pensais au film d'Hermant, qui est à peu près contemporain, c'est-à-dire Les chemins de la mauvaise route. Est-ce que vous vous sentez des affinités avec tel ou tel? Les chemins de la mauvaise route, je l'ai vu. Je trouve que c'était un très bon film. Et j'ai appris beaucoup de choses en le voyant. Mais je ne pense pas que... Vous comprenez, on a classé Les chemins de la mauvaise route dans une direction très précise, ce qui a été appelé, à tort ou à raison, le cinéma vérité. Oui. Ce n'est pas du tout votre ambition. Je ne sais pas. Je veux dire par là que je crois que j'ai essayé de faire un travail de synthèse. Donc, Chris Marker et Edgar Morin, qui ont beaucoup travaillé dans cette direction, qui ont vu ce film et qui l'aiment beaucoup, m'ont dit que justement, ça les avait beaucoup passionnés parce qu'ils avaient l'impression qu'il y avait eu un essai d'intégration d'une certaine approche du cinéma, qui est par exemple le cinéma vérité, à une autre forme de cinéma qui est peut-être une forme de cinéma plus traditionnelle. Et que peut-être cela était important parce qu'il leur semblait que ça n'avait pas encore été tenté de cette manière. Oui. Comment vous situez-vous dans l'ensemble du jeune cinéma français ? Ça, je ne sais pas, ce serait plutôt à vous de me répondre. Je ne sais pas, il faut que les autres me disent. Bon, alors dans quelle direction cherchez-vous ? Voulez-vous faire vraiment avec le cinéma ? Est-ce que ce film est un accident ou est-ce que vous allez faire pendant des années des films sur l'adolescence ? Ah non, sûrement pas. Bon. De la même manière que peut-être je me suis débarrassé d'une certaine forme d'enfance, de mon enfance, avec Enfant des courants d'air, je me suis peut-être aussi débarrassé d'une certaine forme de mon adolescence. Avec Les cœurs verts, je crois que maintenant je m'intéresserai peut-être à autre chose. Oui, je parlais de choses qui m'intéressent maintenant. Vous avez un projet, je crois. Oui, j'ai un projet. C'est un second long métrage. Oui, je veux faire le portrait d'une femme, avec tous les problèmes qui se posent lorsqu'elle devient, elle est à l'âge où elle devient vraiment une femme, où elle commence à s'épanouir, et où elle essaye d'être elle-même, mais d'être elle-même seule, d'être elle-même non pas forcément en fonction d'un homme et à l'intérieur du couple, mais de conquérir sa dignité de femme et sa place réelle de femme à côté d'un homme. Ce qui me frappe, c'est tout de même qu'il y a une communauté d'inspiration dans tous ces projets qui se dessinent tout de même, c'est le fait que vous soyez attiré par des passages à la maturité, par des problèmes qui sont à la fois psychologiques et sociaux et pour l'affirmation, le dégagement d'une personnalité. Vous savez, vous me montrez quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte. C'est vrai, effectivement, semble-t-il, entre ces deux choses. Peut-être parce que le passage, pour moi, représente évidemment le moment où on s'interroge et où les difficultés sont accrues et qui représente la transition nécessaire pour arriver à quelque chose. Puis vous savez, moi, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression d'être arrivé où que ce soit. Puis je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont contents d'être arrivés où ils sont arrivés. J'espère que je ne le serai jamais, parce que si j'étais content d'être arrivé quelque part, j'irais plus nulle part. Je vais vous poser une dernière question. Si vous aviez une définition du cinéma à donner? La vie. Pour moi, le cinéma, c'est la vie. L'histoire se déroule dans une cité de HLM de la région parisienne. Deux jeunes gens, Zim et Jean-Pierre, ont commis un vol, chacun de son côté. Mis en liberté provisoire le même jour, ils découvrent qu'ils habitent non loin l'un de l'autre, qu'ils ont des amis communs, aussi deviennent-ils rapidement des copains. Leur situation est particulièrement précaire. Il leur faut trouver du travail avant de passer en jugement. Les parents des deux garçons sont trop accaparés pour pouvoir les aider à s'en sortir, et devant cette carence, Zim et Jean-Pierre ont donc tendance à se rapprocher de leur ancienne bande qui, jusqu'à un certain point, leur tient lieu de famille. Plus dur, davantage mûri, Zim trouve du travail et cherche à épauler Jean-Pierre, que la perspective d'une tâche absorbante n'enthousiasme guère. La rencontre de Maryse pour Jean-Pierre et celle de Patricia pour Zim pourrait être bénéfique aux deux garçons, mais les circonstances ne leur sont pas favorables. Toujours sans travail, Jean-Pierre est arrêté alors qu'il vole. Zim a trouvé assez de courage et d'énergie pour s'accrocher à la vie, mais combien de temps pourra-t-il encore supporter sa solitude? L'intérêt de notre tribune ce soir, c'est évidemment que nous avons un auditoire essentiellement composé de jeunes et de quelques éducateurs, de quelques spécialistes des problèmes de l'adolescence et qui viennent de voir, je pense, un film qui a l'intérêt au moins évident de poser un problème qui nous concerne tous. Et j'anticipe peut-être, mais je crois de le poser avec loyauté. Pour discuter de ce film en votre compagnie, nous avons nos confrères parisiens Philippe Audiquet et Marcel Martin, Monsieur Bichet, collaborateur de Haroun Tazieff, Madame Grande Adam, qui est un juge, Monsieur Mallet, qui est un inspecteur de l'enseignement primaire, Monsieur Jeannot, qui est un philosophe responsable de jeunes, dans la salle Monsieur Blondeau, l'animateur de ce ciné-club, et je pense qu'avec toutes ces personnalités, nous allons pouvoir faire du bon travail. Nous allons, comme d'habitude, partir de vos réactions les plus spontanées, les plus sincères, c'est-à-dire, aimez-vous ou n'aimez-vous pas ce film? Et surtout, pourquoi? Monsieur? C'est un film certainement intéressant, mais qui concerne peut-être moins la jeunesse de province que la jeunesse parisienne, parce qu'il y a certaines différences de classe qui sont beaucoup plus flagrantes dans la région parisienne qu'ici, par exemple. Bon, autre réaction? N'oubliez pas ce qu'a dit Lunce tout à l'heure, ce n'est pas un film sur les blousons noirs pour lui, c'est d'abord un film sur l'adolescence. Hein? Oui, une autre réaction là, monsieur. Eh bien moi personnellement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a pris aux tripes. Non oui. Seulement il y a l'étude d'un certain milieu qui nous concerne tous, dont nous sommes responsables, nous également jeunes, mais il y a le côté, comme a dit le metteur en scène, intérêt et étude de toute une jeunesse, car on retrouve les caractéristiques de la jeunesse. Par exemple, la violence, oui, qui est certainement très traumatisante. Il y a la tendresse, la poésie, qui est très bien rendue par la composition plastique. Alors là, c'est un film qui m'a pris aux tripes, et je suis à moitié abasourdi. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que la salle n'a pas applaudi, je pense, parce qu'on était sous le coup, oui, du choc après la vision de ce film. Oui, alors allons un peu plus loin si vous le voulez. Vous avez certainement vu d'autres films traitant des problèmes de la jeunesse disons, aux abords de la délinquance, on en a fait des quantités, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler de l'équipée sauvage, de la fureur de vie, vous avez peut-être vu les films de Kayat, vous en avez vu bien d'autres. Alors, est-ce que ce film-là vous semble original par rapport à ceux que vous voyez traitant le même sujet d'habitude aussi dans les émissions de télévision? Oui, il me paraît original parce que la synthèse qui a été tentée est tout à fait évidente. On retrouve un peu, bien sûr, le côté cinéma-vérité. Oui. Et il y a, bien entendu, une composition très stricte, très rigoureuse. Et il y a également des scènes qui n'ont pas de but immédiat, on n'en voit pas le but immédiat, mais qui aident et qui éclairent toute la psychologie de ces jeunes gens. Exemple, petite touche, oui. Exemple, la scène dans la piscine. Oui. Soit on s'ennuie pendant cette scène, soit on y prend un grand intérêt parce qu'on y retrouve un peu le côté enfantin qui existe encore chez tout adolescent. On ne sait toujours pas si la majorité de la salle aime ou n'aime pas le film. Il faudrait peut-être faire un petit référendum pour vous dégeler. Qui dans la salle aime plutôt le film? Ah, ça semble quand même la grosse majorité. Bon, baissez les mains. Et qui a plutôt tendance à ne pas aimer le film? Ah, il y a quelques voix, mais enfin, c'est très peu. Alors, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous dire très rapidement, monsieur, par exemple, pourquoi vous n'aimez pas le film? Ici? Moi, j'aime pas tellement parce que j'avoue ne pas avoir très bien senti la psychologie des personnages. Oui. En voyant ce film, j'avais un peu l'impression qu'on nous avait mis devant un microscope et qu'on nous disait, regardez, voilà des vers qui passent, des amibes qui se promènent. Et vraiment, j'ai très peu senti la psychologie des gens. Sauf celle de cette jeune fille, oui. L'amie de Jean-Pierre, c'est tout, un tout petit peu. Il y a des tas de scènes que je ne rattachais pas du tout au reste. Oui. J'ai très peu compris, en fait, ou senti plutôt. Monsieur Blondeau. J'étais soufflé au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, au bout de trois quarts d'heure, que tout d'un coup, avec la plus forte antipathie qu'on pouvait avoir pour certains de ces personnages, j'étais soufflé de voir combien tant d'émotions, combien tant de bonheur de vivre, combien d'envie de vivre heureusement finissait par être absolument prenant aux tripes, comme a dit aussi un de mes potaches. Il est temps pour avancer et pour cerner la valeur du sujet, de donner la parole à Madame Grandadam, qui est juge elle-même et qui pourra nous dire la valeur exacte de la description qui nous est donnée du phénomène des blousons noirs et de la délinquance juvénile dans le cadre des banlieues, savoir si le problème est bien posé. Qu'en pensez-vous, madame? Je crois que le problème a été posé de façon nette. On a bien fait apparaître le fait que la plupart de ces jeunes, pour ne pas dire tous ceux qui sont passés à l'écran, sont issus de familles désunies, se sont retrouvés plus ou moins jeunes, lâchés complètement dans la rue, tout seuls. Ils cherchent après à se rapprocher pour former une bande, recréer une espèce de famille qu'ils n'ont pas trouvé initialement chez eux. Et alors, il est évident que toutes les forces de la jeunesse se donnent libre cours, ils sont violents, ils ont besoin de tendresse, ils ont besoin d'affection, ça les entraîne à toutes sortes d'excès. Et naturellement, la police est obligée d'intervenir pour préserver l'ordre public qui est parfois fortement perturbé par ce fait. Il faut aussi tenir compte des habitudes qu'ont les grandes personnes, les adultes, qui ont besoin de voir aussi un certain ordre respecté. Donc la police est obligée d'intervenir. Alors à ce moment-là, les jeunes sont livrés à la justice et naturellement, les juges, qui sont des juges spécialisés, les juges des enfants, qui sont parfaitement compétents, mais se trouvent limités par les moyens qu'ils ont à opposer à cette chose. Nous n'avons pas encore ce qu'il faudrait, et ça se voit très bien dans une des premières scènes, lorsque le jeune est arrêté, au lieu de le mettre, comme nous l'aurions toujours voulu au ministère de la Justice, et comme tous les juges le désirent, dans des maisons spécialisées pour les jeunes, on n'a même pas eu la place de le mettre dans un quartier réservé, on l'a mis avec des adultes. Des droits communs, des droits communs qui l'entraînent plus loin, parce que il faut bien le dire, la prison, ça n'arrange jamais véritablement quelqu'un. C'est une école de crime. Hein. Oui. Oui. Monsieur Jeannot. Je crois que le problème n'est pas de mettre ces jeunes gens dans des quartiers réservés, c'est-à-dire de les traiter spécialement, mais plutôt que la société dans son ensemble, par son fonctionnement, interdise que de telles fêtes soient possibles. L'apparition des pas, non pas par une police qui soit restrictive et qui mette les gars dans des paniers à salade au moment où ils commettent ce qu'on appelle une exaction, mais que la société soit organisée de telle manière que cela soit impossible, c'est-à-dire que les loisirs que ces jeunes gens ont ne soient pas ce qu'ils sont en réalité dans le film, alors, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, d'abord, une fois qu'il y a eu une contravention ou un délit, on cherche le plus possible à isoler ces jeunes pour leur redonner une rééducation. Mais il est évident qu'au départ, la société aurait dû pouvoir s'organiser de telle manière que les jeunes ne puissent pas s'amuser, si vous voulez me permettre d'employer cette expression, comme ils s'amusent dans le film. Moi, c'est-à-dire, je ne pense pas que ce soit un amusement. Ils se défoulent. Je crois que ce soit la manifestation d'une révolte oui. contre une société qui n'offre pas du tout à ces jeunes gens les possibilités de manifester cette tendresse, cette amitié qu'on Alors, sent toujours latente. Il est évident qu'au début et au départ... Et qu'ils ne peuvent pas manifester autrement qu'en cassant les vitres. Au départ, on devrait avoir pour les jeunes, quand ils sortent de l'école, maintenant, par exemple, on a supprimé les devoirs le soir, dans la banlieue, eh bien, il existe ce fait, c'est que les enfants, quand ils sortent de classe, ils n'ont rien à faire, ils sont dans la rue. Ils n'ont pas non plus les lieux de loisirs pour les ramasser à ce moment-là. Oui. L'UNES a mis l'accent aussi, non seulement sur les conditions familiales, le problème des loisirs, mais aussi le problème de l'éducation, disons même de l'instruction, le fait qu'ils n'ont pas la formation professionnelle suffisante. Alors, on ne peut pas leur donner la formation professionnelle suffisante. Les parents s'en désintéressent ou ils n'ont pas le temps de s'en intéresser. Et puis, c'est une boule de neige. Bon. Et alors après, quand on les a pris, on devrait pouvoir les rééduquer véritablement. Et là, on n'a pas les moyens de le faire. Mais je crois que nous pouvons poser un deuxième problème avec M. Mallet, qui est inspecteur de l'enseignement primaire. Est-ce qu'il est bon de montrer ces films-là à des jeunes, comme nous l'avons fait ce soir par hasard? Qu'en pensez-vous? Si on parle de jeunes, disons, de moins de 14 ans, je crois qu'un film comme celui que nous avons vu ce soir peut être traumatisant. Oui. Et peut avoir une action néfaste, parce que ces jeunes de moins de 14 ans, c'est un âge moyen, n'ont pas la possibilité, la puissance réflexive suffisante pour juger. Par contre, je pense que lorsqu'il s'agit de jeunes gens de 16, 18 ou 20 ans, un film comme celui-là, surtout lorsqu'il est présenté en ciné-club et qu'il permet une discussion, doit être instructif. Ce qui m'a le plus frappé dans ce film, c'est la puissance avec laquelle a été montrée la solitude des jeunes. Je crois qu'au fond, si tout à l'heure l'un d'entre eux a dit « dans le fond, ça ne nous concerne pas », c'est parce que, en fait, les jeunes de Pontarlier ne connaissent pas cette solitude. Oui. Les collèges techniques à Paris accueillent 2 enfants sur 10, à Pontarlier, ils en accueillent 8 sur 8. Oui. Il ne s'agit pas de les occuper en dehors de leur période de travail, il s'agit de les occuper tout court. Et je pense que notre gouvernement actuel, et en particulier le ministère de l'Éducation nationale, a un rôle à jouer dans ce domaine-là. On parle de réforme de l'enseignement, on parle de scolarité jusqu'à 16 ans, et c'est là que cette scolarité jusqu'à 16 ans et même jusqu'à 18 ans obligatoire, avec tous les moyens que cela suppose, c'est là qu'elle se révèle indispensable. Merci, monsieur. Je pense que nous avons débrouillé à peu près le sujet, nous avons vu à peu près les intentions du film. Maintenant, reste la réalisation, car avec les meilleures intentions du monde, on peut quelquefois rater son affaire. Alors là, c'est plutôt vers les critiques de cinéma que je me tournerai pour faire rebondir le débat, c'est-à-dire, Philippe Audiquet, que pensez-vous de ce film? On lui a fait quelques reproches. On a taxé ce film de sentimentalité. Je crois que ce reproche est faux. C'est un film qui, sur un sujet difficile, reste constamment dur, très dur, mais en même temps d'une extrême tendresse. Il y a là-dedans 3 visages féminins, 2 visages de jeunes filles et un visage de femme. Je ne sais pas si cela a été bien saisi par le public, parce que rien n'est dit. Le metteur en scène procède toujours, même dans des scènes très violentes, avec une extrême retenue. On pourrait croire que puisqu'il s'agit de bandes de garçons, de jeunes gens, le film serait plutôt misogyne puisque les deux aventures sentimentales des deux héros finalement échouent. Et c'est là où le film est sensible et intelligent en même temps, c'est que c'est à partir d'un visage de femme que l'intérêt, la vitalité de Zim, par exemple, se trouve accroché à la fin. Rien n'est dit, il y a simplement un échange de regards, mais c'est quelque chose de très beau et de très senti. Monsieur Bichet, qu'en pensez-vous ? J'ai beaucoup aimé ce film, tout en avouant un certain désarroi que je pense que la salle a partagé, ce qui expliquait l'absence de manifestations et d'applaudissements à la fin. Un désarroi qui provient d'ailleurs de, tout simplement de tous ces films qui pose un problème et ne résolve rien. Ces films qui soulèvent une réflexion chez le spectateur. J'ai été particulièrement frappé également, parce que je suis provincial, de l'association dans les images du paysage urbain et de cette enfance délinquante qui est très bien important. Sûr étroitement liée. Et alors, il semble qu'il manque un amortisseur. À mon avis, il semble qu'il y a un facteur dans cette jeunesse désorientée qui vient peut-être d'une absence d'emploi, mais qui provient également de la disparition brutale dans un monde quand même agressif comme l'est un urbanisme incohérent comme celui que nous voyons se développer actuellement. Il y a une absence d'un potentiel d'aventure chez les jeunes. Ils ont un besoin absolu d'aventure, ils n'en ont plus. Disons que la jeunesse de province n'est pas différente. Elle possède les mêmes qualités, les mêmes vices en elle que la jeunesse de Paris, mais elle a l'amortisseur qui est la nature, avec toute sa possibilité d'aventure, qui permet un défoulement extrêmement rapide et immédiat, même dans un voisinage géographique extrêmement proche. Merci monsieur, je crois que vous mettez l'accent sur un des points essentiels du film, évidemment, c'est une des qualités, c'est la volonté systématique de Luntz de mener d'une part les problèmes psychologiques, c'est-à-dire les problèmes de chacun à un âge clé, et les problèmes sociaux ensemble, et d'autre part d'intégrer tous ces personnages qui représentent au fond différents visages du même âge, de les intégrer dans leur décor, le décor qui les explique et les révèle. Décor, vous avez vu, d'HLM, de cité champignon, de construction un peu futuriste, mais qui voisine avec des bidonvilles, des terrains vagues, ces flaques d'eau partout, ce bitume. Et effectivement, nous sommes aux antipodes des conditions de vie dans les petites villes de province, en tout cas, où la jeunesse est certainement beaucoup plus intégrée et où elle a ces possibilités d'aventure dont vous parliez. Marcel Martin, que pensez-vous du film de Luntz ? Je crois que vous aimez beaucoup. Oui, moi j'aime beaucoup. C'est la troisième fois que je le vois et vraiment avec un plaisir toujours renouvelé. Il me semble que ce qui peut faire la difficulté de ce film pour un public, c'est que c'est un ensemble de refus. Luntz a refusé toutes les facilités qu'offrent traditionnellement les films sur la jeunesse. Il a refusé la violence, je veux dire la violence pour elle-même, la complaisance dans la violence. Il a refusé le sexy, je ne dis pas le sexe, je dis le sexy, et il a refusé la sentimentalité, la sensiblerie. Le film est toujours d'une tenue parfaite, vous avez pu le remarquer, comme le disait Philippe Audiquet, tout est exprimé dans des regards. Et ce qui fait l'intérêt du film et sa valeur profonde, c'est qu'il réalise un équilibre parfait, je crois, entre le documentaire d'une part et la fiction de l'autre. Ça n'est pas un documentaire, ça n'est pas non plus un film de cinéma vérité, Luntz refuse le terme, et il a raison dans la mesure où beaucoup de films de cinéma vérité que nous avons vus étaient plutôt du matériel pour des œuvres éventuelles que des films réalisés, que des œuvres accomplies. Ici, nous avons affaire à une œuvre accomplie parce qu'il y a, je pense, une part de fiction. Sans tomber toutefois dans la fiction dramatique au sens traditionnel du mot, il n'y a rien de facile dans le film, il n'y a rien de raccrocheur, il n'y a rien qui cherche à entraîner l'adhésion sentimentale du spectateur. Et à tous les niveaux, je crois, au niveau de la photographie, il y a un aspect documentaire qui est assez remarquable. Il n'y a pas de poésie de la misère, il n'y a pas de misérabilisme. Au niveau de la musique, c'est très remarquable. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. La musique n'intervient que dans les moments où il n'y a pas d'action proprement dite, c'est-à-dire où il ne se passe rien à proprement parler, au sens traditionnel de l'expression. À ce moment, la musique intervient comme une dimension supérieure dans l'image, comme une espèce d'ouverture poétique. Mais bien entendu, ce sont ces moments où il ne se passe rien apparemment, qui sont les plus importants. Ce sont ces moments où s'exprime la violence. Alors, vous avez vous remarqué ces deux jeunes gens qui luttent simplement pour épancher leur besoin de vitalité, ou les moments d'ennui. Il me semble que c'est ça qui fait la qualité psychologique du film, et que jamais les éléments de mise en scène, que ce soit la photo ou la musique, n'interviennent comme des échappatoires ou comme des alibis. Il y a toujours une adéquation profonde, je crois, entre l'expression plastique du cinéaste et la vision du monde qui nous est donnée. Merci Marcel Martin. Après toutes ces interventions, est-ce que vous avez des objections, des critiques, des compléments à présenter ? Parfois, c'est un peu brouillon. J'ai l'impression d'être un peu d'embrouillamini et ne plus très bien comprendre. Peut-être est-ce une volonté du metteur en scène ou une faiblesse de ma part. Mais j'ai eu par moments l'impression de décoller, de décrocher, une sorte de distanciation avec la projection, et qui vient peut-être du fait que certaines scènes ou l'enchaînement du scénario est peut-être parfois brouillon. Mais d'autre part, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est un metteur en scène qui parle avec des images. Le texte tient peu de place. Oui. Également, l'équilibre entre, bien sûr, les images, la musique, le dialogue, qui arrive quand même à soutenir, bien sûr, l'intérêt. Oui, il faut peut-être signaler aux auditeurs, nous ne l'avons pas fait jusqu'ici, qu'il y a des dialogues directs, des échanges directs. Il est important de signaler d'ailleurs que tous ces sons directs ont été pris véritablement dans la vie, et que d'autre part, ces échanges sont peu fréquents, mais qu'ils sont complétés par la subjectivité des personnages, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a un commentaire en voix off des principaux personnages qui explique un peu leur état d'âme ou leurs habitudes. Je ne crois pas qu'il y ait de confusion, vous savez, c'est pour répondre à monsieur. Oui. Le film est très rigoureusement construit, mais encore une fois, Luns refuse les enchaînements. Il vous montre des scènes montées en raccord direct, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de liaison, tout est en ellipse. C'est encore un refus délibéré de toutes les facilités. Je crois qu'on fait appel vraiment à votre participation. Enfin, il me semble que ce film demande aux spectateurs le maximum de participation, le maximum de sympathie. Le film, en tout cas, est rigoureusement construit. Il y a une progression, non pas une progression dramatique, puisqu'enfin, Luns, à la limite, refuse de raconter une histoire, mais il y a vraiment une progression, en tout cas, dans l'exposé des sentiments des personnages. Je crois qu'il y a un approfondissement de la connaissance que nous avons de ces personnages et un approfondissement d'eux-mêmes en face de leurs problèmes. Oui, à nous entendre tous, je pense que l'auditeur va croire qu'il s'agit d'un film, quelles que soient ses qualités, qui prend l'allure d'une espèce de constat objectif. Or, est-ce qu'il n'a pas aussi un caractère personnel ? Je pense justement qu'en ce qui concerne le caractère personnel du film, je crois qu'il est quand même assez flagrant, parce qu'on voit ces jeunes tout à fait désorientés, tout à fait perdus, mais on les voit constamment malheureux. Et il semble que le fait d'être malheureux n'est quand même pas une constante de la vie de ces jeunes. Bien sûr, ils n'ont pas de distraction, ils manquent peut-être de place dans les écoles, etc. Mais enfin, le caractère est accentué parce qu'on voit cette bande et à aucun moment on a l'impression qu'elle est organisée, à aucun moment on a l'impression que ces jeunes font vraiment preuve d'une lueur d'intelligence. On a l'impression que ce sont des êtres sensibles, mais totalement inintelligents. Ils ne s'organisent pas, ils font des coups, ils pénètrent tous dans le magasin en hâte, sans faire attention, sans faire le guet. Ils volent de l'essence, ils sont 5 autour du tuyau, mais aucun n'a idée de repérer une voiture qui arrive. Ça m'a quand même assez frappé, comme si l'auteur voulait en quelque sorte nous apitoyer et très habilement, sans qu'on s'en aperçoive. Oui, ce que Luns souligne bien, n'est-ce pas, c'est que chez eux, c'est l'instinct qui est prioritaire et le sentiment. Il semble bien que Luns, par sympathie au sens primitif du mot, souffrir avec, pas, prennent en charge la révolte de ces jeunes parce qu'il l'a comprise et que pour lui, s'ils en subissent et en transmettent les effets, ils n'en sont pas responsables à l'origine, si vous voulez. D'autre part, il faut bien préciser que, quel que soit le tableau assez sombre, assez cruel, assez dur qu'il nous présente, il y a tout de même la volonté, de règle d'ailleurs dans ce genre de film, je crois que c'est sincère chez lui, la volonté de déboucher sur une note d'espoir, relativement. Et on a cité la scène de la piscine tout à l'heure, elle a un caractère évidemment symbolique. Cette espèce de bain de fraîcheur qui est dans le caractère de l'adolescence et qui traduit aussi une espèce d'aspiration, n'est-ce pas, une purification échappée au bain de boue. Je crois que ce qui nous réunit tous, c'est qu'il s'agit beaucoup moins d'un film d'action comme traditionnellement les faits sur ce genre de sujet, n'est-ce pas, les scènes au couteau, les bagarres, les histoires de filles, les voitures de police, mais plutôt d'une attitude de réflexion. Il s'agit de prendre une certaine distance par rapport à ce phénomène qui est analysé avec sincérité, avec une certaine objectivité, et d'obliger le spectateur, je pense, à réfléchir sur ce problème qui le concerne, même s'il ne veut pas le connaître. Et je crois que c'est peut-être ça qui fait sa marque. Maintenant, est-ce que ce film aura du succès? C'est la question qu'on peut se poser. Je pense que ce film est un film, justement, qui s'adresse au plus grand nombre et qui ne s'adresse pas du tout à une élite. C'est un film qui a été fait pour le public, dans la mesure où, en France, le cinéma est un cinéma essentiellement de divertissement. Ce film d'Edouard Lunes, c'est un film qui me paraît nécessaire. C'est un film adulte qui implique une participation du spectateur. Je crois que c'est l'un des rares films contemporains en France qui soit vraiment très sérieux. Marcel Martin. Ce film est susceptible d'être vu par un large public. C'est peut-être le rôle de la critique d'essayer de faciliter l'accession du public à ce film. Je crois qu'en tout cas, les gens qui viendront le voir ne seront pas, absolument pas déçus. Bien, il nous reste à souhaiter bonne chance, non seulement au producteur Raoul Ploquin qui a eu le mérite de lancer ce film, de le financer, de courir le risque, mais je crois bonne chance aussi à Edouard Lunes puisqu'il va bientôt commencer son deuxième long métrage. Merci. France Culture vient de vous présenter Connaître le cinéma, une émission publique de Philippe Hainaut, diffusée du Ciné-Club de Pontarlier. En avant-première, Les Cœurs Verts d'Edouard Lunes. Et en première partie, un dessin animé tchèque, Comment avoir un enfant sage. Commentaires et débats, avec la participation de Madame Grandadan, de Messieurs Bichet, Blondeau, Jeannot, Mallet, Philippe Audiquet, Marcel Martin, et des spectateurs. Prise de son Jean Peteuil, assistante de réalisation Suzanne David. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 25 juin 1966 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Quand se renversent les bouteilles aux aventures de minuit, en reverrons-nous de pareils? J'allais voir crever mon ennui tandis que chantait la sirène. À présent muette à jamais, dont les refrains berçaient nos peines, et c'est bien toi que j'aimais. Parler d'amour est difficile, nous avons perdu notre temps à des jeux beaucoup trop futiles, on les regrettera pourtant. Mon Dieu, si les regrets me viennent, ne m'oubliez pas en chemin, passez sur mes fautes anciennes, et veuillez me tendre la main, et veuillez me tendre la main. Les bouteilles se renversent, c'est que les paris sont perdus. Si j'étais d'un tendre commerce, la plupart n'en auront rien su. J'ai laissé mon cœur dans sa cage afin que sa fragilité n'excite jamais votre rage. Je l'ai bien souvent regretté. Parler d'amour est difficile, il y faut tout abandonner. J'aurais pu sauver une vie avec tout ce que j'ai donné. Mon Dieu, si les regrets me viennent, éloignez-les tout doucement. Tant mieux si quelques-uns comprennent, je n'ai pas su faire autrement, je n'ai pas su faire autrement. Je n'ai pas su faire autrement.